Très bien. Alors, question suivante, Alain Soral. Pouvez-vous nous donner quelques conseils pour lutter tous les jours devant ce nouvel ordre mondial grandissant? À part consommer local et voter parti antisioniste ou Front National, y a-t-il vraiment une chance de renverser ce pouvoir amicalement, David? Eh ben moi, je crois que il faut faire un travail de conscience, de culture et de conscience. Moi, je ne crois pas du tout à la violence politique. Je ne crois pas du tout à la politique d'endoctrinement. Je n'ai jamais en réalité demandé à. Même quand je fais une campagne électorale, je passe mon temps à argumenter. J'appelle rarement à voter. C'est pas vraiment mon truc. Mais je crois en revanche que face à un empire qui fait un travail de destruction de l'intelligence et des consciences, nous devons faire le travail inverse, qui est d'aider le niveau de conscience. Et c'est là où je suis un optimiste. Je crois qu'un citoyen cultivé est toujours quelqu'un de fraternel. Voilà. Je crois que la violence a beaucoup à voir avec la bêtise, la monstruosité, etc. Ça c'est le premier point de réponse. Deuxièmement, je crois, comme je suis un optimiste, je crois que en réalité, l'empire, comme l'empire soviétique est tombé de ses mensonges et de ses contradictions, l'empire libéral hétérotestamentaire, qu'on peut appeler anglo-saxon, sioniste, tout ce que vous voulez, c'est la même chose, l'empire tombera de lui-même. Et il tombera de lui-même à cause de ses contradictions qui sont de plus en plus violentes, parce que sa violence envers les peuples est de plus en plus visible, et parce qu'en fait, pour exercer son pouvoir, il s'appuie sur des corps constitués, et que ces corps constitués, finalement, font partie du peuple, et qu'ils finiront, à force de comprendre finalement qu'on leur demande d'exercer une violence contre des peuples et que cette violence est injuste et que ce n'est ni la justice ni la saine police, mais une violence au service d'oligarchies illégitimes et sataniques, je pense qu'à un moment donné, finalement, les relais du pouvoir cesseront d'obéir et de répondre. Comme d'ailleurs ça se passe souvent dans les révolutions. En réalité, dans les révolutions, ce qui fait la différence, c'est qu'à un moment donné, vous voyez, on envoie l'armée contre les manifestants, qui sont souvent d'ailleurs le peuple du travail, et à un moment donné, l'armée refuse de tirer sur les manifestants et se joint aux manifestants parce qu'en réalité, ils font partie du même peuple. Et quand l'armée refuse de tirer sur les manifestants et se joint à eux, là, les manipulateurs du pouvoir savent qu'ils doivent se sauver très vite, sinon c'est eux qui vont verrouiller. Voilà. Et j'espère, moi, que face à la violence de plus en plus grande et de plus en plus visible de l'empire, de l'oligarchie mondialiste, face à tous les peuples opprimés, dans lesquels il y a d'ailleurs le peuple de France, les peuples de diverses nations musulmanes, les peuples d'Amérique latine, etc. À un moment donné, les relais de pouvoir que sont les corps constitués cesseront d'obéir et que ce jour-là, il y aura une révolution pacifique et que l'oligarchie mondialiste, qui aurait été ces très peu de gens animés par de très mauvaises intentions, iront se cacher au fond d'un trou pour ne pas finir comme a fini Mussolini, pour ceux qui connaissent l'histoire. Voilà. Donc, pour ça, il faut travailler à la prise de conscience et puis croire disons, en espèce de raison un peu historique hégélienne. D'autres peuvent croire d'ailleurs à la sainte justice, j'en sais rien, mais que plus l'Empire, pour exister, va être obligé d'exercer une violence de plus en plus visible sur le peuple, et plus on verra que cet empire ne veut pas le bien des peuples, mais les domine en les exploitant et en augmentant chaque jour leur souffrance. Je pense qu'à un moment donné, cet empire qui est en fait organisé et manipulé par une oligarchie très peu nombreuse, finiront par se casser la gueule le jour où les corps intermédiaires et les corps constitués qui relaient leur pouvoir cesseront de leur obéir, car je pense pour l'instant qu'ils leur obéissent, car ils n'ont pas totalement identifié leur illégitimité, enfin l'illégitimité et la violence de l'Empire, mais que la crise s'aggravant, ça va se voir de plus en plus. Et je prends comme exemple l'histoire de la grippe H1N1, pour ceux qui connaissent le dossier, je vois de plus en plus d'infirmiers, d'avocats, de juristes dire qu'ils refusent le processus de vaccination, qu'ils refusent de marcher dans cette combine qui peut paraître très très liée au mondialisme qui se met en place en ce moment. Et ça, pour moi, c'est rassurant, hein. Ça veut dire que la révolution sera pacifique et qu'elle viendra finalement de la conscience citoyenne. Voilà ma réponse. Je continue donc sur les questions. Question de. Donc, je citerai le pseudo ensuite. Alors, il dit, j'aurais aimé savoir si vous ne pensez pas que le seul moyen de débloquer de manière très concrète le système en France, qui est très fermé et très bloqué, qu'il faille passer par un nouveau mai 68, mais beaucoup plus dur, une sorte de coup d'État, j'utilise bien sûr les mots qui sont mis sur papier, enfin, voire sur blanc, une manière plus forte comme ont montré un peu le LKP aux Antilles. Question de Super Végéta. Cette question rejoint un peu la réponse que j'ai faite à la question précédente. C'est-à-dire qu'évidemment, il C'est devrait ça. arriver en France, qui est un pays assez étrange et assez intéressant, où convergent toutes les contradictions du monde et qui a souvent été à l'avant-garde des révolutions. Il devrait arriver bientôt en France. La crise économique devant s'aggraver terriblement et la domination et l'illégitimité du pouvoir devant s'identifier de plus en plus, il devrait arriver en France à un moment donné, effectivement, un processus de type mai 68, mais pas un mai 68 de l'époque des Trente Glorieuses, d'enfants de bonne famille qui ont envie de jouir des avantages acquis de leurs parents, mais un mai 68 beaucoup plus sérieux, beaucoup plus social, beaucoup plus sans doute aussi, peut-être pas brutal, mais beaucoup plus légitime. Et effectivement, je crois qu'on va arriver à ça. Car je crois que de plus en plus, on le voit notamment avec ce qui s'est passé très récemment dans les médias avec la sortie de Mathieu Kassovitz sur le 11 septembre. La manière dont Taddeï et Kassovitz ont été repris, insultés, humiliés par les capots médiatiques du régime et l'écart abyssal qu'il y a aujourd'hui entre les médias officiels et la conscience que les gens ont notamment de toutes les étrangetés de la version officielle du 11 septembre et le baromètre d'une espèce de cassure et de coupure de plus en plus nette entre le pouvoir et les agents du pouvoir et le peuple. Et je pense que ce que pour exercer son pouvoir, l'Empire est obligé de mentir de plus en plus, ça se voit de plus en plus, ses journalistes sont de plus en plus mauvais, de plus en plus brutaux, de plus en plus illégitimes, et effectivement tout ça devrait amener à terme à une colère généralisée et un soulèvement généralisé qui sera un soulèvement social, qui passe aussi par la privatisation insupportable de la Poste, le sort qui est fait aux fonctionnaires français, le sort qui est fait aux ouvriers français, le sort qui est fait aux intellectuels français, l'injustice que vivent les musulmans par rapport à une diabolisation instrumentalisée dont on parlera, enfin dont on peut parler après si vous voulez. Tout ça fait que les différentes composantes du peuple français vont être amenées à un moment donné à se révolter pour des raisons morales, sociales, économiques, contre un pouvoir de plus en plus isolé, de plus en plus illégitime, car en réalité, si vous enlevez le pouvoir de l'argent et cette verticalité du pouvoir économico-médiatique, le pouvoir aujourd'hui représente très peu de choses. Par exemple, ceux qui ont gagné les élections européennes l'ont fait sur 40% de votants, qui représentent encore moins d'inscrits. Donc on se dit en gros finalement que l'oligarchie sarkozyste représente aujourd'hui électoralement 10% de la population française. Et les 60% de gens qui votent pas parce qu'ils sont dégoûtés par le mensonge du pouvoir. Et peut-être qu'un jour, effectivement, ils feront un peu plus que cette insoumission par le refus d'aller aux urnes, en étant un peu plus virulents, un peu plus actifs. Et ça arrivera, à mon avis, quand la crise économique s'aggravera. Car il faut bien comprendre que la France est un pays très riche, où aujourd'hui, disons, personne ne meurt encore vraiment de faim, et que personne n'a vraiment de raison physique de se révolter. Et qu'on ne se révolte pas uniquement pour des raisons morales, il faut à un moment donné que ce soit plus grave sur le plan, je dirais, concret. Voilà. Mais je crois que la crise, qui n'est absolument pas finie, mais qui est à son début, hein, je parle de la crise économique, pas de la crise financière, cette crise va nous amener à tout ça, et à mon avis, dans pas très longtemps. Hein. Et donc, j'ai bon espoir, effectivement, d'un soulèvement populaire qui pourrait d'ailleurs commencer en France, car je crois que la France est ce pays où les révolutions se passent en premier, et ce pays qui est au carrefour de tout, et qui est un pays aujourd'hui où toutes les contradictions du monde sont réunies. C'est là où il y a le plus de juifs, le plus de musulmans, le plus de libéraux et d'antilibéraux, le plus des néoconservateurs et le plus de gens attachés au modèle social français. Donc c'est sans doute la France est le lieu où convergent toutes les contradictions du monde et où agit de façon la plus évidente toutes les violences de l'Empire. Donc, moi, j'ai bon espoir que le peuple de France se soulève à un moment donné et se soulève globalement et donc pacifiquement, parce que je ne vois pas, moi, un gendarme français ou un policier français tirer sur le peuple de France, je n'y crois pas. Car en réalité, je suis bien placé pour le savoir, les policiers français, les gendarmes français font partie intégrante du peuple de France et il y a en réalité très peu de salauds en France, j'en suis persuadé. Donc, effectivement, il devrait arriver demain un mai 68 inversé, beaucoup plus sérieux et légitime que mai 68, mais qui devrait amener effectivement à la mise à la porte des élites actuelles qui dominent la France et qui ne sont que des relais de la domination mondialiste et de l'Empire. Et j'appelle effectivement ce soulèvement de mes voeux, j'y travaille, et j'ai bon espoir que tout ça se passe, je dirais, pacifiquement et dans pas très très longtemps. Nous avons bonne chance de tous le vivre dans les quelques années qui viennent.